Seigneur, que la gloire revienne à toi. Bwana utukufu kurudirie. C'est toi qui es Dieu. Ni wewe ndiwe Mungu. Tu es Dieu éternellement. Wewe ni Mungu milele. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Na hakuna mwingine kama wewe. Tu es le véritable. Wewe ni Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. Nous sommes en toi. Sisi tupo ndani yako. Nous existons par toi. Tunaishi kupitia nous wewe. Réjouissons de t'appartenir. Na tunafurahi kuwa wako. Quel privilège. Oh, ni heshima gani. D'être connu au ciel. Nous ne sommes pas juste là sur la terre. Hatuko tu hapa chini ya jua lakini tuko hata mbinguni. Connu au Dieu. Dans ta famille. Ndani ya jamaa lako. Racheté à grand prix. Tumekombolewa kwa bei kali. Délivrer de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Tukafunguliwa toka kuishi mbaya wazazi wetu. Béni sois-tu Seigneur. Ubarikiwe Bwana. Le roi qui vient au nom du Seigneur. Mfalme anayekuja kwa jina la Bwana. Mérite les acclamations. Unastahili kushangiliwa. Mérite la louange. Unastahili sifa. La célébration. Unastahili shangwe. Alléluia. La hesi. Alléluia. Alléluia. Parle à nos cœurs ce soir. Bwana zungumzia roho zetu mangaribi ya leo. Nous sommes venus pour toi. Tumekuja kwa ajili yako. Laisse-toi trouver à nos cœurs. Acha uende roho zetu ziende zikakupate. Visite-nous. Ututembelee. Révèle-toi à nos cœurs. Ujifunulie kwa mioyo yetu. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous et que ton Fils en nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle, oh Dieu, visite-nous. Visite-nous, oh Dieu, visite-nous, oh Dieu, visite-nous, et que ton Fils en nos yeux se révèle, quand nous jaillissons une vie nouvelle. Oh Dieu, visite-nous, visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que nous faisons ici si tu n'es pas là? Tunaweza kufanya nini hapa kama wewe haupo? C'est toi que nous cherchons. Ni wewe tunayemtafuta. Mon frère te cherche. Ndugu yangu anakutafuta. Ma sœur te cherche. Dada yangu anakutafuta. Tu détiens le secret de son existence. Wewe ndiye unakuwa na siri ya kuwa kwake. Tu détiens la signification de sa présence sur la terre. Wewe ndiye unayejua maana ya kuwa kwake ulimwenguni. Pourquoi sommes-nous là, Seigneur? Sababu gani tuko hapa Bwana? Oh Dieu. Hey, Mungu. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous. Visite-nous. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu, visite-nous. Oh Dieu. Oh Dieu, visite-nous. J'ai besoin de toi, Dieu. De toi, Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux trouver le sens de ma vie, Seigneur. Je voudrais retrouver le sens à ma vie. Je voudrais retrouver le chemin de ma vie, Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je dois retrouver le chemin de ma vie. Je dois retrouver le sens à ma vie. Je dois retrouver la raison d'être de mon existence. Pourquoi suis-je là, Seigneur? Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? J'ai besoin de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Ouvre nos yeux, Esprit de Dieu. Quelqu'un doit voir le Dieu vivant. Quelqu'un doit voir le Dieu de son existence. Le Dieu qui l'a envoyé ici. Oh Dieu, tu m'as envoyé ici pour quelque chose. Tu m'as envoyé ici pour quelque chose. Seigneur. Seigneur, voilà. Il y a Santa Talio Saka. inemona maya masele geragula inna mosenda rara kabasaluri kaya kuti atuti niketa kusiba shikata laka ine dada ine dada gudera kuti asatu wakupila yesete kakola danza hetele kurida gazeta la basa kimana masata imantenkerele ko abashalu yamashita adakishata kunde dali elalu betea mbela keti yako sebashata kunde mbedide yoso bakatale na basa kalana kutalu liba bashiri Tu es ici, Seigneur, merci. Tu es ici, Seigneur, merci. Oh, laisse-toi trouver à quelqu'un, Seigneur. Acha tu kupate Bwana. Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Bwana zungumzia mioyo zetu mangaribi ya leo. Accorde un tournant décisif à quelqu'un. Leta mabadiliko ndani ya maisha mtu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Tu peux accueillir ton voisin. Unaweza kumpokea jirani yako. Tu lui dis que le tournant décisif est en marche. Unamwambia tournant décisif iko naendelea. Disons bienvenue à notre frère évangéliste Jires. Tunasema karibu kwa ndugu yetu mwinjilisti Jires. Saluer l'assemblée. Ata salimu mkutano. Il est venu pour quelques jours au tournant décisif. Que Dieu te bénisse au milieu. Alikuja kwa siku chache kwa kipindi hiki, Mungu akubariki. Nous avons commencé de parler hier. Tulianza kuzungumza jana. The base juu ya misingi de la réussite ya mafanikio. Et nous avons vu comme première base na tuliona msingi wa kwanza connaître ton nom divin ni kujua jina lako la kimungu. Les bases d'une vie réussie misingi ya maisha ambayo umefanikiwa exige que tu connaisses qui tu es. Zinashurutisha ujue wewe ni nani. Non pas selon ton père ou ton grand-père Apana kufuatana na baba yako ama babu yako. Mais selon Dieu. Lakini kufuatana na Mungu. De la part de Dieu. Kwa niaba ya Mungu. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose. Hawezi kujitoa ndani ya jambo. Avant de savoir qui tu es et qui s'engage. Mbele ya kujua wewe ni nani na nani anayejitoa. Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie. Wanaume na wanawake wengi wanashindwa maishani. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Sababu hawajui wao ni wanani. Nous avons vu dans le psaume premier. Tuliona ndani ya Zaburi sura moja. Heureux l'homme. Heri mtu. Et nous avons vu que la première chose. Na tuliona ya kwamba jambo la kwanza. Savoir qui est cet homme là. Ya kujua ni kujua nani ule mtu. Heureux l'homme. Heri mtu. Qui est-il? Yeye ni nani? La conscience de soi. Zamiri za kujijua. Non pas à la manière des hommes qui poussent à l'orgueil, à l'arrogance. Apana kama wanadamu wakisha kujijua wanaanza. Mais la conscience de soi. Lakini kujijua. En termes de Dieu qui m'a conçu, qui m'a envoyé sur la terre. Kufuatana na Mungu aliyenitengeneza na aliyenituma. Est déterminante pour réussir dans la vie. Ni amana kufanikiwa ndani ya maisha. La plupart des échecs nyingi ya kushindwa ndani ya maisha proviennent du fait que nous ne savons même pas qui sommes-nous en train d'agir et de faire quoi. Zinatokea kwa kutojua kwetu sisi ni wanani na tuko tunafanya nini. La connaissance de soi kujijua mwenyewe nous permet zinaturuhusu de nous retrouver là où il faut quand il le faut. Tukua mahali ambapo inatupaswa jinsi inavyopaswa. Et de la manière qu'il faut. Na jinsi inavyopaswa. L'inverse nous pousse à opérer sur un faux terrain. Kinyume ya hiyo inaacha tunatumika vibaya. Un faux terrain. Tunatumika ndani ya uwanja mbaya. Et quand tu opères sur un faux terrain, na unapotumikia ndani ya uwanja uongo ama mbaya, tu n'as pas assez de garantie là-bas. Hauna uhakika mwingi hapo. Si Dieu a prévu que tu sois médecin et que tu te retrouves en génie civil. Kama Mungu alikutayarishia wewe ukue mganga kisha unaanza kutengeneza manyumba ama barabara. Tu auras des difficultés avec les mathématiques. Utakuwa na ugumu na hesabu. C'est vrai? Hiyo ni kweli. Mais lorsque tu as compris que dans ton nom est contenu la médecine. Lakini unapoelewa ya kwamba ndani ya jina lako kuna unganga. Na unapokuwa ndani ya unganga. Présenter un corps sur la table pour que tu enlèves une hernie, que tu enlèves un appendicite. C'est un loisir. Kuweka mwili kwenye meza ili uweze kuitunza, unajisikia unafurahi. Mais si tu te retrouves là où tu ne devais pas être. Lakini kama upo mahali ambapo haungepaswa kuwa. Tu as des ennuis de toutes parts. Unateseka uko na kule. Et pourquoi nous nous retrouvons là où nous ne devons pas être? Na sababu gani tunakuwa mahali ambapo hatungepaswa kuwa? Pour les uns, c'est dû à notre nom, le nom que nous connaissons. Kwa wamoja inafuatana na jina ambayo wanaijua. Le nom des hommes. Jina ambayo wanadamu wamekupatia. Heureux l'homme. Heri mtu. Dans ce tournant décisif. Ndani ya kipindi hiki. Qui connaîtra son nom divin. Ambaye atajua jina lake la kimungu. L'avantage de connaître le nom divin. Faida ya kujua jina la kimungu. C'est que. Ni kwamba. Il y a les garanties qui accompagnent cela. Kuna uhakikisho ama usalama ambayo inasindikiza hiyo. En quoi cela est garanti? Inahakikishwa na nini? Parce que le Dieu des cieux sababu Mungu wa mbingu est suprême. Yeye ni wa juu. Il a le pouvoir de sa politique. Anayo uwezo wa siasa yake. Il a les moyens de sa politique. Anayo uwezekano ya siasa yake. Il a les moyens de ses objectifs. Anayo yote na yofua, et lorsque nous nous retrouvons dans ce que lui a prévu pour nous, na wakati tunakuwa na ndani ya ile aliyotayarisha juu yetu, il libère les moyens de sa politique sur notre existence. Anaachilia yote inayofua juu ya siasa yake kwetu. Maintenant, lorsque nous cherchons à réussir dans la vie, tunapo sasa tafuta kufaulu ndani ya maisha, nous réussissons avec les moyens de sa politique. Nous ne réussissons pas avec nos propres moyens. Nous ne réussissons pas avec les moyens de notre oncle. Il libère et il laisse à notre disposition les moyens, la sécurité, usalama, les provisions, kila akiba yote, l'intelligence, akili, les capacités, uwezo, de faire ya ce que lui prévoit que nous fassions. Ila ambayo umetayarisha sisi tuifanye. C'est pourquoi durant ce tournant décisif, ndio maana ndani ya kipindi hiki, mon cœur gémit devant Dieu pour dire Seigneur, pardon. Roho yangu namlilia Mungu nikisema Baba nisamehe. Aide quelqu'un à rentrer dans son nom, dans son vrai nom. Umsaidie mtu arudie ndani ya jina lake la kweli. Et dès ce deuxième jour, je voudrais vraiment que tu demandes cela. Na siku ya pili ningependa uombe. Cela doit quelqu'un doit crever devant Dieu pour cela. Mtu anapaswa kumlilia Mungu ili apate hii. Tu as déjà perdu beaucoup de jours. Umepoteza siku nyingi. D'années. Miaka nyingi. De ta vie. Ndani ya maisha yako. Il te reste plus que 10 ans à vivre. Inakubakilia tu sasa moja miaka 10 uishi. Peut-être même 2 ans à vivre. Sasa moja ni miaka 2 miwili. Mieux vaut tard que jamais. Heri uchelewe kuliko kukosa siku zote. Mais voici une opportunité. Lakini tazama wakati mzuri kipindi hiki. Ne rate pas. Usiweze kuponyoka hii wakati. Bwana asifiwe. Amen. Ok, lisons deux textes. Tusome andiko mbili. Ésaïe chapitre 9. Isaya sura 9. Parti du premier verset, nous lisons. Kuanzia shaili lake la kwanza. 1, 2, 3. Tusome sote. On peut se lever pour lire. Tunaweza kusimama ili tuweze kusoma. Levons-nous pour lire. Tusimame kwa kusoma. Si tu n'as pas les Bibles, tu lis chez le voisin. Kama hauna Biblia unaweza kusoma kwa jirani. Vous êtes prêts? Muko tayari? Tu peux soulever ton voisin comme il est très fatigué. Unaweza kumsimamisha jirani yako sababu amechoka. Lisons maintenant. Tusome sasa. Le peuple watu qui marchait dans les ténèbres waliotembea katika giza voit une grande lumière. Wameona mwangaza mkubwa. Sur ceux qui marchaient, habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, watu walioishi katika nchi ya giza kubwa, une lumière resplendit. Sasa mwangaza umewangazia. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Mezidisha furaha yake. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Na wanafurahi mbele yako kama wakati wa mavuno. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévoré par les feux. Car un enfant nous est né, arrêté là. Tout ce qui précède devient possible car un enfant nous est né. Yote ambayo ilikuwa imekawia inakuwa inawezekana sababu mtoto amezaliwa. Ce qui précède ici. Hii yote ambayo iko nyuma hapa imesemeka. Tout ce qui précède ici. Yote ambayo imesemeka hapa aboutit à une phrase. Inafikia mwisho. Car un enfant nous est né. Sababu mtoto amezaliwa. Les ténèbres couvrent la terre. Giza inafunika ulimwengu. Et l'obscurité les peuples. Na giza inafunika mataifa. Jusqu'à ce qu'un enfant naisse. Mpaka wakati mtoto atakapozaliwa. Mais quel enfant? Lakini mtoto gani? Pour ce contexte, il s'agit de Jésus. Ndani ya hii andiko ni Yesu Kristo. Et Jésus a affronté l'ensemble ou le global des ténèbres sur la terre. Na Yesu alishambulia giza yote ulimwenguni. Mais il y a des ténèbres dans ta famille. Lakini kuna giza ndani ya jamaa yako. Il y a des ténèbres dans ton quartier. Kuna giza ndani ya eneo yako. Il y a des ténèbres dans ta progéniture. Kuna giza ndani ya uzao wako. Il y a des ténèbres dans ton pays. Kuna giza ndani ya nchi yako. Jusqu'à ce qu'un enfant mpaka wakati mtoto soit né. Asaliwe. Jésus était déjà né. Yesu alikuwa ameshazaliwa. Mais pour nos ténèbres actuelles. Lakini kwa ajili ya giza zetu za sasa. Qui va naître? Nani atakayezaliwa? N'est-ce pas toi? Sio wewe. Mais quelle naissance? Lakini kuzaliwa ya namna gani? Il faut que le nom. Inaomba jina. Qui a été assigné sur ton existence. Ambayo iliandikwa juu ya kuwa kwako. Arrive. Ifike. En fait, il faut que tu naisses. Inaomba uzaliwe. Dans ce nom. Ndani ya jina ile. Divin. Ambayo ni ya kimungu. De ta vie. Ya maisha yako. On reprend la lecture. Tunarudilia usomi. Si tu es né ou quand il va arriver que kama, tu naisses dans ton nouveau nom. Ndani ya jina lako. Voici ce qui va arriver. Tazama itakayofika. Allons-y. Twende. Le peuple marchait dans les ténèbres. Watu waliotembea. Est-ce que vous avez vos Bibles, mes amis? Je mna Biblia zenu ndugu zangu. Je ne vous attends pas. Est-ce qu'on peut lire avec notre voix? Siwasikilize, je tunaweza kusoma na sauti yetu. Twende pamoja. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Watu waliotembea katika giza. Voit une grande lumière. Wameona mwangaza mkubwa. Walioishi katika nchi ya giza kubwa. Sasa mwangaza umewangazia. Umeongoza taifa. Na umezidisha furaha yake. Watu wanafurahi mbele yako. Wanafurahi kama wakati wa mavuno. D'allégresse au partage du butin. Car les joues qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Tu pourrais dire car je suis né. Ungepaswa kusema sababu nimezaliwa. Les choses qui précèdent, mambo ambayo yametajika hapa. Nous en avons besoin à Goma. Tunahitaji hapa Goma. Tu en as besoin dans ta famille. Unahitaji ndani ya jamaa lako. Tu en as besoin dans ta tribu. Unahitaji ndani ya kabila lako. Mais pourquoi ça arrive pas? Lakini sababu gani haifiki? Parce que tu n'es pas encore né. Sababu hujazaliwa. Dans ton nom divin. Ndani ya jina lako la kimungu. Tout ce qu'on connaît de toi, yote wanayoifahamu, c'est cette femme ordinaire. Ni ule mke wa kawaida. C'est cet homme ordinaire. Ni ule mume wa kawaida. C'est cet homme qui fonctionne comme son père. Ni ule mume anayetembea anayetumika kama babaye. C'est cette fille qui fonctionne comme sa mère. Ni ule binti anayetumika kama mamaye. Il est temps ni wakati umefika que tu commences à fonctionner comme le Dieu des cieux. Uanze kutumika kama Mungu wa mbinguni. Il est temps que les mécanismes qui sont en Dieu viennent en toi. Il est temps que quelque chose change dans ton système. Il faut que tu naisses dans ton nom divin. Il y a des misères autour de nous. Des graves misères. Des misères morales. Des misères économiques. Des misères spirituelles. Des esclaves spirituels. Ils sont torturés de tous les jours, chaque nuit. Wanagandamizwa kila usiku. Jusqu'à ce que quelqu'un naisse. Mpaka mtu azaliwe. Et qu'il se charge de la chose. Na anze kutumikia ile kitu. Israël a gémi sous Madian. Israël lia wakati wa Midiani. Jusqu'à ce que Gédéon soit rencontré par l'ange de l'Éternel. Mpaka wakati Gideon alikuta. Que Gédéon rentre dans son nouveau nom. Na Gideon yaingie ndani ya jina lake mpya. Qu'il rentre dans son vrai nom. Arudie ndani ya jina lake la kweli. Et la huitième année. Na mwaka wa mnane. Il n'y a pas eu de allons nous cacher, allons cacher les blés, nos brebis sont partis, allons fuir. Hawakwenda tena kimbia ama wafiche mavuno yao. Il en est de même aujourd'hui. Leo ni siku ya leo ni kama si hivyo. Tu nais kama unasaliwa dans ton nouveau nom. Ndani ya jina lako mpya. Il y a un groupe de gens. Kuna kundi la watu. Qui va cesser de pleurer. Ambao wataacha kulia. Asseyez-vous. Mnaweza kuketi. Dans Ésaïe 60. Ndani ya Isaya sura makumi sita. Regarde ça aussi avec moi. Unaweza kuiona pamoja nami. Regardez Ésaïe 60 quelques pages plus loin. Isaya makumi sita. Il est écrit. Imeandikwa. Lève-toi. Simama. Brille. Uangaze. Car ta lumière arrive. Maana mwangaza wako umefika. Aussi longtemps que tu n'es pas encore dans ton nom. Wakati haujakuwa ndani ya jina lako. Ta lumière n'arrivera pas. Mwangaza wako hautafika. Ta lumière arrive. Mwangaza wako unafika. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Na utukufu wa Mungu unainuka juu yako. Cette gloire est cachée dans ton nom divin. Ile utukufu umefichwa ndani ya jina lako la kimungu. Pour résoudre quel problème? Ili litatue shida gani? Verset 2. Shaili la pili. Voici les ténèbres couvrent la terre. Maana giza linafunika dunia. Et l'obscurité les peuples. Na giza kubwa linafunika mataifa. Mais sur toi. Lakini wewe. L'Éternel se lève. Yahweh anasimama. Ou alors le divin se lève. Ama wa mbingu anasimama. Sur toi. Juu yako. Les contenus de ton nom se lèvent, apparaissent. Inayokuwa ndani ya jina lako inatokea sasa. Mais quand ce contenu se lève. Lakini ile inayokuwa ndani ya jina lako inaposimama. Ce contenu de ton nom vient opérer sur les ténèbres. Inakuja kutumika juu ya giza. Il opère sur les ténèbres. Inatumika juu ya giza. Il opère sur l'obscurité. Inatumika juu ya giza kubwa. Et des nations. Na mataifa. Vous voyez? Mnaona? Si tu comprends ce que Dieu est en train de te dire durant ce tournant, kama unaelewa ile ambayo Mungu anakuambia ndani ya kipindi hiki, tu vas te rendre compte, utaelewa ya kwamba, que la portée, ya kwamba maana, la portée est très élevée, ya maana ya maisha yako ni ya juu sana, la portée de ce que Dieu veut faire, ile ambayo Mungu anapenda afanye, est tellement élevée, ni ya juu sana. Des nations marchent à ta lumière. Mataifa wanatembea chini ya mwangaza wako. Moi, né à Masisi. Mimi niliyezaliwa Masisi. Les nations peuvent-ils marcher à ma lumière? Je mataifa yanaweza kutembea juu ya mwangaza wangu? Moi, mimi. Qui n'a même pas de maison? Ambaye sina hata nyumba. Je manque la dot. Nakosa hata mali ya kuoa. Les nations marcheront-ils à ma lumière? Je mataifa watatembea kwa mwangaza wangu. Ça va commencer comment? Itaanza namna gani? Faut que tu rencontres. Inaomba ukutane. Ton nom. Jina lako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il faut que tu rencontres ton nom. Inaomba ulikute jina lako. Les ténèbres remplissent la terre. Giza inajaa ulimwengu. Le verset pourrait dire. Isa ilingesema. Mais sur vous. Lakini kwa ajili yenu. Mais le verset dit sur toi. Lakini Isa ilinasema juu yako. Dans Ésaïe 9. Ndani ya Isaya sura 9. Le verset ne dit pas. Shaili aliseme. Car des enfants nous sont nés. Sababu watoto wamezaliwa. Des enfants nous sont nés, non? Watoto wamezaliwa kwa ajili yetu hapana. Un enfant. Mtoto mmoja. Donc cesse de regarder le voisin. Ni kusema usione tena jirani. Parce que mambo passé qu'on a sema ni jirani on a gisikona. C'est que les muscles ou yo. Mon voisin là, il est robuste. Ça doit être lui. Un enfant nous est né. Cet enfant, c'est toi. Il faut que tu naisses dans ton nouveau nom. Et les ténèbres, l'obscurité qui couvre le peuple va cesser. Et lorsque l'obscurité cesse, je l'ai dit hier, toi-même tu profites de la lumière qui est en toi. Regardez dans ce texte. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois marchent à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors. Alléluia. Et tu te réjouiras alors. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madians. Et des femmes, ils viendront tous de Seba, ils porteront de l'or et de la sens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez toi. Et ainsi de suite. Pourquoi tu traînes? Tu me réponds, pasteur, je ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ça, umejua. Tu as besoin de ton nom. Unahitaji jina lako. Oh, jinako nani? Jean. Quel est ton nom, Jean? Ah, niko jinako ya famille njo nani? Ton nom familier c'est quoi? C'est qui? Shabani. Shabani. Le nom de famille. Qu'est-ce que ça fait, le nom de famille? Jina ya jamaa. Unafanya nini? Tu sais, nous, le nom de notre famille, c'est Meru. Unajua sisi jamaa, jina la jamaa yetu ni Meru. C'est tuko Banyameru. Nous sommes les gens de Meru. Les autres disent, nous sommes des Banyamulenge. Nous sommes les Banyamulenge. Les autres disent, nous sommes des Banyamasisi. Wengine wanasema sisi ni wa Masisi. Et des Banyabukavu. Na Wanyabukavu. Et qui sont les Banyakisangani? Na Banyakisangani. Alléluia. Amen. Écoute. Sikiliza. Tous ces noms-là n'ont aucun sens. Zile majina sote hazina maana. Tu as besoin du nom d'en haut. Unahitaji jina ya juu. Il faut que tu deviennes un munyambinguni. Inaomba ukuwe sielua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Mtu anasangilia Bwana. Tu as besoin de ton nom. Unahitaji jina lako. L'obscurité couvre la terre. Kisa kubwa inafunika ulimwengu. Et quand l'obscurité couvre la terre, na kisa kubwa inapofunika ulimwengu, les gens ne travaillent pas. Watu hawatumiki. Comment auras-tu des opportunités? Comment découvriras-tu qu'il y a une situation que tu peux rentabiliser parce que c'est la nuit? Namna gani utagundua ya kwamba kuna kitu ambacho unapaswa faidie sababu ni usiku? Hauwezi. Comment les gens auront sérotique d'aller au champ parce que c'est la nuit? Watu gani wataweza kwenda shambani namna gani? Pourquoi il y a trop de pauvreté parce que c'est la nuit? Sababu gani kuna umaskini nyingi sababu ni usiku? Pourquoi le diable opère efficacement sababu parce gani que c'est la nuit? Sana, sababu ni usiku. Mais qui va arrêter cette nuit? Lakini nani atasimamisha ile usiku? Un enfant nous est né. Mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Un enfant va naître cet après-midi. Mtoto atazaliwa mchana wa leo. Et la nuit va s'arrêter. Na usiku utaishia hapo. Les gens vont sortir de leur lit. Watu watatoka Et ils vont aller au travail. Et ils vont réussir dans ce qu'ils font. Parce que l'obscurité a été arrêtée. Parce que la nuit a été stoppée. Nous pouvons maintenant aller au travail. Nous pouvons maintenant aller réussir. Car un enfant nous est né. Et il a stoppé les ténèbres. Il a arrêté l'obscurité. Et quand les gens sont partis au travail, ils reviennent avec les richesses. Et on mange. Le prophète dit, et ton cœur bondira et se dilatera. J'aimerais défier quelqu'un. Ces choses sont à ton bénéfice. Vous savez, lorsque nous lisons l'expérience de Gédéon, et nous le voyons s'exposer, il s'expose au danger. Mais jeune homme, on va te tuer. Et le matin, lorsqu'il a démoli l'hôtel de Baal de son père, la population est venue dire à son père qui a démoli l'hôtel, livrez-le-nous, on va le tuer. Et le père dit, est-ce à vous de défendre Dieu? Jeni kwenu kutetea Mungu? Si Baal est Dieu, kama Baal ni Mungu, qu'il se défende. Si yeye mwenyewe ajitetee. Et on a appelé Gédéon Jérubal. Na wakamwita Gideon Yerubali. Pour dire. Ili awaseme. Que Baal se défende. Ya kwamba Baal yeye mwenyewe ajitetee. Mais comme un enfant était né dans cette ville, lakini sababu mtoto alizaliwa ndani. Premièrement, ils ne sont plus partis se cacher. Ya kwanza wakwenda tena kujifichika. Et comme ils ne sont plus partis se cacher, ils pouvaient rentrer dans les champs pour récolter. Et chacun est revenu avec des gerbes. Et ils ont construit des galas. Greniers. Ils ont construit des greniers. Wakaanza kutengeneza magala zao. Ils ont commencé à mettre les productions dans les greniers. Na wakaanza kutia mavuno ndani ya ile magala. Je pense les enfants ont dansé dans la cour. Na watoto wakaanza kuchezea ndani ya kiwanja. Les autres ont grillé les maïs. Wengine wakaanza kuchoma mihindi. Les autres ont grillé les patates douces. Wengine wakaanza kuchoma viazi. Les autres ont égorgé une poule. Wengine wakaanza kuchinja kakuku. Et ils ont fini de le manger. Na wakamaliza kula. Madian n'est pas venu pour arracher les morceaux. Wakuta tena la marmite. Ndani ya chungu. Parce qu'un enfant est né. Babu mtoto amezaliwa. Kideoni. Que l'on appelle. Ambao wanamuita. Vaillant guerrier. Shujaa hodari. Il est arrivé. Amefika. Il est arrivé. Amefika. Il est arrivé. Amefika. Et pourquoi tu n'arrives pas toi? Lakini sababu gani wewe haufiki? Tu na wewe ufike. Toi aussi arrive. Suffique. Arrive, mon frère. La huitième année est passée. Mwaka wa mnano kapita. Leurs cœurs se sont dilatés. Na roho zao zikafurahi. Ils se sont réjouis. Wakafurahi sana. Comme on se réjouit au jour de la moisson. Kama wanavyofurahi siku ya mavuno. Les économies ont commencé à monter. Na uchumi kaanza kupanda. La récolte de l'année passée plus la récolte de l'année neuf. Mavuno ya mwaka uliopita na mavuno ya mwaka wa kenda. Augmenté. Na utajiri ukaendelea kuongezeka. Dans les sept ans, on venait prendre leurs poules, leurs chèvres, leurs vaches, on partait avec. Ndani ya miaka saba iliyopita walikuwa wanawaiba vyote walivyovuna. Maintenant, je vois des petits d'une maison. Na sasa naona watoto ndani ya nyumba. Courir chez leur papa. Wakikimbilia baba yao. Hey, papa! Baba! Viens voir! Kuja uone! La chèvre accouche! Hey, mbuzi imezaa! Ça fait 7 ans qu'on n'a plus vu ça. Il me fait pita miaka saba tu kona mambo kama na haya. Simplement parce que quelqu'un est né. Lakini sababu mtu mmoja amezaliwa. Quelqu'un est né. Mtu mmoja amezaliwa. Ne veux-tu pas être cette personne? Tia upendo kuwa ule mtu. La joie peut revenir dans une ville. Furaha inaweza kurudi ndani ya mji. La joie peut revenir dans une génération. Furaha inaweza kurudi ndani ya kizazi. Le bonheur peut revenir dans un couple. Heri inaweza kurudi ndani ya ndoa. Simplement parce que tu as retrouvé ton nom. Sababu umeipata jina lako. Amen. Demanda ton voisin, quel est ton nom? Uliza jirani yako jina lako nani? Quel est ton nom? Jina lako nani? Quel est ton nom? Jina lako nani? Au verset 11, Ésaïe 60, il est écrit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Parce qu'un enfant nous est né. Parce qu'une lumière s'est levée sur toi. Vous savez, mes frères, les ténèbres poussent les gens à se cacher. N'est-ce pas que tu commences à regarder ta montre et tu constates qu'il est 17h? Pourquoi tu regardes la montre? Sababu gani unaangalia saa? Parce que les ténèbres arrivent. Sababu giza inakaribia. La nuit est en train de venir. Na usiku unakaribia. Pasteur, parle vite vite. Mchungaji, zungumza mbio mbio. On devait rentrer vite. Tunapaswa kurudi mbio. Parce que les ténèbres arrivent. Sababu giza inafika. Fais vite, pasteur. Fanya mbio, mchungaji. Tu peux résumer ton message. Unaweza kufanya kifupi ya ujumbe wako. L'essentiel. Na useme iliyo ya maana. Les ténèbres arrivent. Sababu giza inakaribia. Au temps d'Israël. Wakati wa Israeli. Quand la moisson arrivait. Wakati mavuno ilikaribia. Les ténèbres arrivaient. Na giza ilikuwa inakaribia pia. Et quand les ténèbres arrivaient. Giza lilipokaribia. Les gens partaient se cacher. Watu walienda kujifichika. Il faut que les gens cessent d'aller se cacher. Inomba watu waache kwenda kujifichika. Parce que sur toi. Sababu juu yako. Sa lumière. Mwangaza wake. Se lève. Umeinuka. Sa gloire. Utukufu wake. Apparaît. Umeonekana. Cette gloire. Ile utukufu. Vient. Inakuja. Avec ton nom. Pamoja na jina lako. Tu n'as pas de nom, tu n'as pas de gloire. Hauna jina, hauna utukufu. Tu vas me dire, mais on voit dans ce monde ici des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont de grosses voitures. Laisse-moi te dire, sans Dieu, bila Mungu, même les richesses qu'ils ont là, hata na utajiri wanayo, ils n'en jouissent pas. Aha, waifurahi. C'est pourquoi ils courent pour ajouter argent à argent, maison à maison, champ à champ. Jamais satisfaction. Le seul qui sait satisfaire un cœur s'appelle Yahweh, le Dieu de l'univers. Mungu wa ulimwengu. C'est lui qui est descendu sur la terre pour arrêter le déchaînement des ténèbres. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Pourquoi tu es venu sur la terre? Jésus est venu pour sauver l'humanité, pour arrêter les ténèbres, pour libérer les captifs. Et toi, tu es venu faire quoi? Remplir ton ventre. Beaucoup de gens se sont déjà trompés. Ils pensent que Dieu leur a envoyé sur la terre pour être bien. L'objectif de leur vie, c'est être bien. Ils se réveillent le matin pour chercher l'argent afin d'être bien. Ils construisent une maison pour être bien. Ils achètent voiture pour être bien. Ils mettent au monde pour être bien. Laisse-moi te dire que tu es à côté de la plaque. Acha nikwambia kwamba uko pembeni. Dieu nous envoie sur la terre. Mungu anatutuma ndani ya ulimwengu. Pour une mission. Juu ya kazi. Chacun d'entre nous. Kila mmoja ndani yetu. Une mission est cachée dans son nom. Kuna kazi inayofichikwa ndani ya jina lake. Et si cette mission consistait à juste. Na kama kazi ile. À juste te régaler. Ujifurahishe tu. Et quand tu rentres à la maison. Na unaporudi nyumbani. Sur ta table il y a poulet. Kwenye meza yako kuna kuku. Lapin. Kuna Sungura. Ra. Kuna panya. Hallelujah. Amen. Kachimba. Kuna kachimba. Eti enlève la veste et la chemise. Na unaondoa suti yako. Eti di madame prend un peu cette chemise. Nasema mama chukua ishati. Et l'enfant vient enlever les souliers. Na mtoto kuja niondoa hii viatu. Et il amène les babouches. Na wanaleta mapapa. Eti t'assois. Na unakaa. Pour manger bien. Inukule vizuri. Si c'est pour ça que tu es venu sur la terre, j'aimerais t'annoncer au ciel, mbinguni, on mangera mieux que ça. Tutakula vizuri kushinda hiyo. Et au ciel, c'est ce qu'on appelle le pain de vie. Mbinguni kuna ile wanayoita mkate wa uzima. Nous comprendrons quand nous serons là. Tutaelewa tutakapofika huko. Je pense que c'est un concentré. Na waza ya kwamba umetia vitu vingi ndani. De matembele. Kuna ile matembele yote iko ndani. Ile chou. Kuna kuku. C'est un concentré. Unatia mambo yote mazuri. Tout ce que l'homme peut nécessiter. Yote ambayo mwanadamu anaweza kuhitaji. Et que son palais. Na. Et que sa langue. Na ulimi wake. Parce que anaweza kusema. Mungu ulipita wapi? Tu es passé par où, oh mon Dieu? Comment tu as préparé ces repas? Et les femmes auront du boulot au ciel. Et les femmes auront. Parce qu'elles seront tout le temps préoccupées à demander à Dieu où les fanyaje. Ça va vous kila siku watakuwa akimuuliza Mungu alifanya namna gani ili atengeneze chakula. Chakula iko namna gani? Comment tu as fait pour faire ça? Ulifanya namna gani ili upate chakula kama na hiki? Frère, sasa acha ndugu yangu. De te distraire sur la terre. Kusuba ulimwenguni. Sur des choses de médiocrité. Tu ya mambo ya ujinga. L'homme aujourd'hui a besoin d'aller sur les objets, sur les choses importantes de sa vie. Est-ce que je veux dire qu'il ne faut plus manger? Non. Mange. Kula. Et mange bien. Na ukule vizuri. Mais ce n'est pas ça l'objectif de ta vie. Lakini siyo hii sabaha ya maisha yako. Il y a plus que ça. Kuna zidi ya hiyo. Comme but de la vie d'un homme. Kama vile lengo ya maisha ya mwanadamu. Je vous ai dit hier. Niliwaambia jana. Et je m'adresse aux sœurs. Na niko nawaambia wadada. Si l'existence est la raison d'être de la femme sur la terre, c'est le mariage. Kama maana ya kuwa kwa mwanamke ulimwenguni ni ndoa. Alors c'est peu de choses. Sasa ni mambo kidogo sana. Vous voulez me frapper? Utanipiga. C'est peu de choses. Ni mambo kidogo sana. Arrêtez de faire du mariage le summum de l'ambition ou de perspective de votre vie. Mwache kufanya ndoa kama vile ndio hitaji kubwa ya maisha yenu. Le sommet de l'existence. Kama vile ndio. Pour une jeune fille. Ndio hitaji kubwa. C'est le mariage. Kuwa kwa mwanamke. C'est le mariage. Sio ndoa. Frères et sœurs. Dada na kaka. Je suis malheureuse. Nateseka. Leo ni meneza 30 ans. J'ai déjà 30 ans. Si jui. Je ne sais pas vraiment. J'essaierai de dire. Moi-même, je suis vraiment désolé. Qui t'a dit que tu es désolé? On a ishiwa. Sababu ulifanya ndoa njo ikuwe mwisho. Tu es désolé parce que tu as fait du mariage ta sommité. Tu n'as pas eu le temps de poser à Dieu la question. Haukumuliza Mungu swali. Quel est mon nom, Seigneur? Sina langu ni nani Bwana? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Sababu gani ulinituma ulimwenguni? Quel est mon rôle sur la terre? Kazi yangu ulimwenguni ni nini? Je suis venu faire quoi ici? Nimekuja kufanya nini hapa? Le jour tu découvres ça. Siku unapogundua hiyo. Une fille nous est née. Binti amezaliwa kwa ajili yetu. Hey. Une fille. Binti. Nous est née. Amezaliwa kwa ajili yetu. Une fille nous est née. Binti amezaliwa kwa ajili yetu. Au temps de Deborah. Kwa wakati wa Deborah. Les hommes étaient distraits. Les Barak et les autres. Deborah dit à Barak. Lakini Deborah anamwambia Baraki. C'est toi le leader militaire. Si ni wewe ndio mwongozi wa jeshi. Si tu traînes. Kama unagawia. Nous les femmes on va y aller. Sisi wanawake tutapigana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et Deborah. Na Deborah. Lui dit. Akamwambia. Il faut que tu avances. Inaomba usonge mbele. Sinon la victoire sera aux femmes. Kama sivyo ushindi utakuwa wanawake. Quelle est cette femme aujourd'hui? Ni mwanamke gani leo? Dans cette ville. Ndani ya mji huu. Qui veut dire aux hommes? Ambaye anaweza kuambia wanawake. Il faut arrêter les kidnap. Muache kuwanyakua watoto wa watu. Il faut arrêter les kidnap. Kuwanyakua watoto wa watu na kwenda kuwaficha. Il faut arrêter les viol. Inaomba muache ubakaji. Quel est cet homme? Ni mwanaume gani? Qui va faire arrêter ça? Ambaye atasimamisha hiyo hali. Et une femme se lève. Na mwanamke anasimama. Et dit aux hommes. Na naambia wanaume. Messieurs les hommes. Eh wanaume. Si vous ne faites rien. Kama mufanye kitu. Moi une femme. Mimi mwanamke. Je vais arrêter ça. Nitasimamisha hiyo. Et la gloire viendra à nous les na femmes. Na utukufu utaturudilia sisi wanawake. Mais les femmes ont défini leur rôle. Lakini wanawake wameona kama kazi yao. Comme des assujettis. Kama vile watu wanaotiishwa. N'est-ce pas? Sio hivyo. Qui vous a dit que vous êtes des assujettis? Nani aliyewaambia kwamba dini mnapaswa kutiishwa? Des assujettis aux hommes. Watu ambao ni watumwa wanaume. Assujettis à la cuisine. Mnatiishwa kwenye mafiga. Assujettis à l'allaitement. Mnatiishwa kwa kunyonyesha. Qui vous a dit que c'est ça? Nani aliwaambia kama ni hivyo? Vous pouvez faire mieux que ça. Mnaweza kufanya vizuri kushinda. Dieu ne vous a pas créé juste pour allaiter. Mungu akuwaumba kwa kunyonyesha tu. Il y a des ténèbres sur la terre. Kuna giza inayofunika ulimwengu. Il faut que quelqu'un se lève. Inaomba mtu asimame. Et si nous nous levons nombreux, na kama tunasimama wengi, ça ira plus vite. Itaenda mbio mbio. Mais on ne va pas se lever pêle-mêle. Lakini hatutasimama kama pêle-mêle. Chacun va se lever dans son nom. Kila mtu atasimama ndani ya jina lake. Et l'ensemble du rôle de chacun d'entre nous. Na ujumla kazi ya kila mtu wetu. Accompli. Ambaye atatenda. Fera un ensemble d'un environnement agréable. Itafanya ujumla wa mazingira ambayo ni nzuri. Un ensemble d'un environnement guéri. Itafanya ujumla mazingira ambayo ni nzuri. Un peuple guéri. Ya taifa ambayo imeponyeshwa. Une nation guérie. Ya taifa ambayo inapona. Une ville guérie. Ya mji ambao unapona. Une province guérie. Ya jimbo ambalo limepona. Une génération guérie. Ya kizazi ambacho kinapona. Parce que les individus qui a des noms. Sababu watu ambao wana majina. Frère, lève-toi dans ton nom. Ndugu simama ndani ya jina lako. Monsieur, lève-toi dans ton nom. Dada simama. Et les deux noms venus d'en haut, exécutés, produisant, la situation change. Lève-nous, on va prier pour ce soir. Lève-nous, on va prier. Retiens mon frère que jusqu'à ce que le fils naisse, les ténèbres étaient là. Jusqu'à ce que le fils naisse, les ténèbres seront là. Dès l'instant où le fils va paraître, les ténèbres vont s'arrêter. Et ceci dépend de ta visitation. Que l'ange l'éternel marche dans cette assemblée et qu'il te retrouve là où tu es assis ou debout. Lève la main et commence à prier. Lève la main et commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu que tu as trop traîné. Commence à dire à Dieu que le temps a sonné pour toi. Commence à parler au Saint-Esprit et lui dire de hâter les choses. Saint-Esprit, fais vite. Saint-Esprit, fais vite. Je ne veux plus perdre un jour de plus. Je ne veux pas perdre un jour de plus avant de naître dans mon nom. Prie le Seigneur. Nous avons 15 minutes.